Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nwasil bi'idhnillahi azza wa jal al-qira'a fi hadhihi al-risala al-nafi'a lil'imam ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc on continue la lecture de cette risala. وصلنا إلى قوله رحمة الله عليه وقد أخبر سبحانه أي après avoir cité قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ففي هذا الفصل il va démontrer أن هذه الإمامة لابد لها من أوصاف أي pour devenir un imam fi hada ad-din, il faut faire des causes, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices. Dans ce chapitre fi hada al-fasl, il va détailler rahmatullah alayhi ce point. Qala faslun wa qad akhbara subhanahu anna hadhihi al-imama inma tunalu bis-sabr wal-yaqin. فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالإمامة تنال بالصبر واليقين. فpour devenir un imam في الدين il faut ces deux choses, صبر de la patience و Al-yaqin, la certitude, ne pas avoir de doute. Imanun jazimun qawiyun thabitun. Et il a argumenté avec قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. La condition pour devenir un imam, c'est le sabr. وكانوا بآياتنا يوقنون. La deuxième, al-yaqin. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هكذا قال ابن القيم رحمة الله عليه. أي pour devenir un imam في الدين il faut deux choses, الصبر واليقين, la patience et la certitude. هذه الكلمة استفادها من شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه. لهذا قال المحقق في الحاشية قال ابن القيم في مدارج السالكين سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة الآية. فاستفاد رحمة الله عليه de son شيخ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالعلم ça suffit pas. كذلك العبادة لا تكفي فلا بد من صبر ويقين. Et bien sûr هذا سانغلوب العمل والنية الطيبة والعلم, لأن celui qui n'a pas de صبر il aura du mal à étudier العلم, بل il arrivera pas. Celui qui ne patiente pas كذلك il aura du mal à accomplir les obligations et s'écarter des interdits. كذلك اليقين سانغلوب الإخلاص. Celui qui est à la yaqin, فلا شك أنه il est مخلص, أنه c'est un مؤمن. فاليقين c'est une درجة عالية. لهذا tu te rends compte أن هذه الآية في الحقيقة أن انغلوب جميع الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال رحمة الله عليه فقيل بالصبر على عن الدنيا. أي cite des explications de certains imams sur الصبر, لأن هؤلاء الأئمة c'est devenu des imams. Pourquoi? أولا بإذن الله عز وجل وبتوفيقه, الله guide qui veut سبحانه. Et parmi les causes qu'ils ont fait pour devenir des imams, الصبر, ils ont patienté. فهنا الإمام ابن القيم رحمه الله يسيد des explications. أي ils ont patienté sur quoi. فقال بعض الأئمة قيل بالصبر عن الدنيا. Ils ont patienté. أي sur الدنيا. في الدنيا. وعن الدنيا. Tout ce qui est lié aux tentations de ce bas monde, ils ont patienté. هذا سنقول. وقيل بالصبر عن البلاء. البلاء, c'est les épreuves. Et ils ont patienté quand ils ont été éprouvés. Ça, c'est un qawl. وقيل بالصبر عن المناهي. أي الحرام. Les interdictions. Les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. فهؤلاء صبروا عن هذا. أي ils se sont écartés du haram ou au sabr. قال ابن القيم رحمه الله. Après avoir cité ces trois avis, والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله. Et c'est ça, القول. الصواب الصحيح. أن سانغلوب tous ces أقوال. تقدم معنا مع بعض الإخوان dans l'étude de la Risala de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi wa sallam al-tafsir, c'est une risala nafi'a fi hadha al-ilm, fi ilm al-tafsir. أن بعض العلماء يفسرون الآية بجزء من المعنى. أي c'est une partie de المعنى. مثل هنا. Certains savants, ils ont dit الصبر هنا أي الصبر عن الدنيا. فالحقيقة c'est une partie. D'autres savants, ils ont dit على البلاء. D'autres savants, ils ont cité une autre partie عن المناهي. فعلماء التفسير, ils expliquent أن في هذا الحال il y a aucun تعارض entre هذه الأقوال. Ces avis se contredisent pas l'un. Et tous ces avis, ils sont fondés sur des autres adillas, sur le haq. في هذا الحال on prend tous ces أقوال. فأن دي أن الصبر إلي عن الدنيا إلي على البلاء إلي عن المناهي. ابن القيم رحمة الله عليه il va citer une explication أوسع وأنفع أي كي englobe tout cela. قال والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله والصبر عن محارمه والصبر على أقداره. Son ta'rif huna, son explication, en fait, on englobe tout ce qu'il a cité auparavant, wa akthar. Bis-sabr 'ala ada'i fara'idillah. Ay, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir ses ordres, 'azza wa jalla, l'imtithal li amri, fala bud min as-sabr. Alladhi la yasbir rubbama yanqati' 'an as-salah, rubbama yadlas as-salah. S'il ne patiente pas. Khas au départ. Alladhi la yasbir rubbama yatruk as-siyam ahyanan. C'est pour ça que tu trouves ba'd an-nas, ils font as-salah une certaine période, thumma yadlasu 'iyadan billah. Pourquoi? Un manque de sabr. Et كذلك il y a un problème dans le cœur. C'est lié tous ces points en haqiqa. Ba'd an-nas yasumun fi ayyam ash-shita. Quand Ramadan c'était en hiver, كانوا يصومون. لأن في الحقيقة c'était très simple en hiver. La journée elle est très très courte et il fait pas chaud. C'est très simple à الصيام في الشتاء. لما جاء رمضان في الصيف بعضهم ترك. Certains ils ont délaissé. لماذا؟ لأن ça contredit leur شهوة. Les points qu'on a vus auparavant. أن كثيرا من الناس يسيقار. Pourquoi? لأنهم يسفيب الشهوات. Faire الصيام durant le mois de Ramadan في الصيف وبعضهم ربما ils ont faim, ils ont soif, لأن la journée elle est très très longue, il fait chaud. وبعضهم كذلك c'est un moment où ils sont en vacances, ils veulent profiter, ils veulent sortir, ils veulent boire, عياذا بالله. Et هذا الصيام contredit leur هوا. فربما au lieu de délaisser le hawa et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, بعض الناس à cause de l'iman al-za'if et les mauvaises fréquentations, فربما لا يصبرون. لا يصبرون. Et ils n'adorent pas Allah azza wa jal dans ce point. قال ابن القيم بالصبر على أداء فرائض الله. كذلك الهجرة في سبيل الله عز وجل, il faut du sabr. لأن الإنسان change de pays. L'insan, il arrive dans un endroit où il ne connaît pas, des nouvelles coutumes, des choses qu'il n'avait pas l'habitude de voir, un nouveau système. Il a arrêté, au départ, il est tab. S'il ne patiente pas, il délaisse et il retourne dans son pays. As-sabr. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut patienter. Khassatan au début. Et celui qui patiente et qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alayh, et cette difficulté, ça devient une facilité. Comme قال عز وجل إنما على العسر يسرى إنما على العسر يسرى فاصبر أخي. Les choses au départ c'est difficile et tu es éprouvé. Enfin, si tu patientes, بإذن الله عز وجل, ça devient très simple. Et ربما tu trouveras de la saveur dans cette ibada que tu n'avais pas au départ. قال والصبر عن محارمه كذلك الصبر عن الحرام. فكم من الناس يقعون في الحرام. Que ce soit zina, ou boire de l'alcool, ou parler sur les autres, mentir sur les autres, être injuste. لماذا لأنهم لا يصبرون. Et ils suivent الشيطان et leur nafs. أما الذي يصبر il patiente, il s'écarte عن هذا. Et il repousse al-hawa. Et il bloque al-nafs qui appelle au mal. Et كذلك il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le protège de al-shaytan. Fayasbir et nafs al-shay. Au départ, rubbama, c'est difficile pour certains. Limadha li'anna al-ba'd. Avant de faire tawbah, peut-être qu'ils avaient pris l'habitude de faire ce haram, de manger ce haram, de boire ce haram, de regarder ce haram. Au départ, il y a une difficulté. وَمَنْ يَصْبِرْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَفْتَحَ عَلَيْهِ قَالَ وَالصَّبْرِ عَلَى أَقْدَارِهِ أي القدر, le destin. Ibn al-Qayyim, il a cité trois catégories هنا. الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَ, patienter pour adorer Allah. الصَّبْرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ عَنِ الْمَحَى عَنِ الْحَرَامِ أي patienter et s'écarter du haram. Troisième catégorie, الصَّبْرُ عَلَى الْقَدْرِ, patienter face au destin. لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. الله il a tout décrété, tout est écrit. سبحانه وهذا avant d'avoir créé les cieux et la terre, كما جاء في الحديث. فالإنسان يصبر. Toute chose qui se passe, c'est بقدر الله. Si c'est une épreuve, si c'est un mal en apparence, فاصبر. Pourquoi ? أولا لأن الله قدر. Et Allah il fait ce qu'il veut. ثانيا, tu ne peux pas changer cette chose. فَبَقِيَ إِلَّا الصَّبْرُ. ثَالِثًا Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. فَفِي أَفْعَالِهِ يَدِ حِكَمْ. فَرُبَّمَا أَنْتَ, en apparence, c'est un mal. وَرُبَّمَا, dans ce mal, il y a un énorme bien pour toi. كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فَاصْبِرْ. اصْبِرْ عَلَى الْقَدْرِ. كَمْ مِنَ النَّاسِ sont éprouvés par la perte d'un enfant, ou d'un parent, ou d'un proche, ou la perte de biens, ou une musiba dans sa santé, ou il est éprouvé par des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Esbir, akhil karim, tout ça c'est biqadar Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui est qawi fi hadha al-bab, bab al-qadar, et tu seras qawi fi hadha al-bab si tu fais des efforts fi دراسة عقيدة السلف خاصة الأسماء والصفات et العقيدة عموما. Celui qui est قوي في عقيدته sera قوي في هذا الباب. Et celui qui est قوي في هذا الباب فبإذن الله عز وجل il sera heureux في الدنيا والآخرة. C'est pour ça que tu trouves الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا كثيرا. موسى il a été chassé par Pharaon. وصبر والله سبحانه وتعالى فتح عليه ونصر. Ibrahim عليه الصلاة والسلام ils l'ont jeté في النار. صبر ونصره الله عز وجل. Nuh عليه الصلاة والسلام ils se sont moqués de lui كثيرا. Et ils lui ont pas obéi. نصره الله عز وجل. Notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il a été contraint de quitter Mecca. Et ils se sont moqués de lui, ils l'ont accusé, ils ont tué certains de ses compagnons. Sabara alayhi salatu wa salam, fanassarahu Allahu azza wa jal. Pourquoi ? Lianna ha'ula, ils avaient le yaqin. Ha'ula, c'est a'immatul mu'minin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Fal yaqin, anna toute chose c'est biqadar illah. Enfin, si tu es éprouvé par quelque chose, isbir. Amma se lamenter, désespérer, ça ne change rien. Allah, il a décrété, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Fasbir akhil karim, et fais des efforts, fais les asbab. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller et on ne fait aucun effort, il y en a toutes choses est écrites. Abadan. Nous, ce n'est pas ce que Allah il a décrété pour nous. Aïe, demain, après demain, dans l'avenir. Mais on fait des efforts et on a une bonne opinion. Husnul dhan billahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut le khayr. Et il veut notre bien, enfin on fait des efforts. Et bien, idnillahi azza wa jal, on trouvera du bien. Man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala li hada as-sabr. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite de faire partie de ha'oula as-sabirin. Fali hada, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi as-sifa, hada al-wasf as-sabr. فتقول اللهم اجعلني من الصابرين في دعائك في سجودك في قيامك اسي الله سبحانه وتعالى يتجد يفيد توا صابر اي ان بيرسون باسيون فباذن الله عز وجل tu vas trouver une ladha et une raha, tu patienteras كثيرا. تامل حال الكفار أخزاهم الله vu qu'ils sont très très loin de هذه الصفة لا يصبروا فتى تروب أنهم ils sont في ضيق quand ils sont éprouvés par quelque chose, par une maladie ou par la perte d'un proche ou par un manque d'argent, فربما البعض ينتحر, certains ils mettent fin à leur jour, عياذا بالله. لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas هذه الصفة. أما المؤمن, cette صفة c'est une ni'ma. Tu vas repousser beaucoup de problèmes avec le sabr. Tu vas repousser beaucoup de waswas avec le sabr. Tu vas repousser beaucoup de personnes qui vont essayer de te faire du mal avec le sabr. فلهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا في الصبر. تأمل هذا الأثر. وجدنا خير عيشنا في الصبر. Al-Aïch, c'est le fait de vivre, c'est un mode de vie. Enfin, ils ont réussi, radiyallahu ta'ala anhum, à se reposer via hadhihi ad-dunya, malgré la pauvreté, malgré les épreuves, malgré les accusations. Annahum, ils étaient furaha. Limadha, li annahum, ils étaient ala yaqin. Ils n'avaient aucun doute, radiyallahu ta'ala anhum, et kadhalik, ils ont patienté. Comme sabaru ala al-jou'a. Ta'ammal ma hassala lahum, ma hassala lahum fi... قصة الأحزاب أن الكفار ils ont encerclé de toutes parts quand ils étaient في المدينة. Ils ont creusé الخندق والصبر الخوف والجوع والبرد etc. الله سبحانه وتعالى نصرهم كم صبروا. فلهذا si tu veux faire des efforts في هذا الباب, prends le temps de lire la biographie de هؤلاء et tu verras que t'es في نعمة. Et tu verras que tes épreuves, elles sont minimes par rapport à ha'oula. Alhamdulillah, tu es en bonne santé. Alhamdulillah, tu manges. Alhamdulillah, tu as un toit. Alhamdulillah, tu es un musulman. Tout ça, c'est des ni'am qui n'ont pas de prix. Lakin ahyanan al-ghafla, on oublie tout cela et on se plaint. Qala, rahmatullah alayhi, wa jama'a subhanah, bayna sabr, wal yaqin. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux, as-sabr wa al-yaqin. Idh huma sa'adatul 'abd. Comme taqaddam. Celui qui veut être heureux fait des efforts sur ces deux points. On ne doit pas perdre notre temps rechercher que l'argent, faqat 'iyadan billah. Ou rechercher al-'izza fi ghayr al-islam wa as-sunnah. Là, tu veux être heureux, fais des efforts dans ces deux points, as-sabr wa al-yaqin. Apprends ta aqida, étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons radiyallahu anhum, de a'immat al-huda ba'dahum rahmatullah ala al-jami'. Et tu verras que ça va t'aider à patienter. Kadhalik, une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, husnul dhan billahi azza wa jal. Li'anna, avoir une mauvaise pensée, iyadan billah, rabbama al-insan, il tombe fi القنوت من رحمة الله عز وجل يقنط ربما الشيطان يوسوس له أمور كل كارت دو سدين فصبر ويقين Tout ce qu'on cite, c'est des asbab. Et n'oublie pas, Akhil Karim, ad-du'a. An Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alaka min as-sabirin. Yaj'alaka min ashab al-yaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à son abd. On ne doit pas demander que de dunya dans nos du'a. Là, demande ses awsaf. Al-ilm, al-hikma, al-sabr, al-yaqin. Demande ses awsaf. Si Allah subhanahu wa ta'ala te répond, et Allah il répond azza wa jal, on n'a aucun doute, fait, tu seras, incha'Allah, min ahli sa'ada. Comme a dit Ibn al-Qayyim. Qala wa faqduhuma yufqiduhu sa'adata. Et celui qui perd ces deux points, ces deux caractéristiques, as-sabr wa al-yaqin, كذلك il va perdre as-sa'ada. Il sera plus heureux. Tastavin min hada, n'a plus l'insan, il s'écarte du sabr, du yaqin, plus il s'écarte de sa'ada. Qala fa inna al-qalb tatruquhu tawariq ash-shahawat al-mukhalifa li amri Allah. Ash-shahawat, elle pénètre dans ce cœur de ce mu'min et elle l'écarte de at-ta'a. Ça te montre anna min asbab al-bu'd ani at-ta'a, c'est ash-shahawat. Shahawat, suivre ses passions, iyadan billah. Ne pas bloquer ce nefs, ne pas bloquer ses envies, iyadan billah. Hada, s'il suit son nefs, il suit ce qu'il aime, sans revenir au dîn, il va s'écarter du haq, il va s'écarter de sa'ada. Lianna, s'écarter du haq, c'est min al-dalal. Et dalal, l'égarement, la shak, ça t'écarte de sa'ada. قال فإن القلب تتركه توارق الشهوات المخالفة لأمر الله وتوارق الشبهات المخالفة لخبره. Ces deux maladies que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi cite beaucoup dans cette risala, wa hada taqaddam ma'ana. Al-shahawat, ça fait du mal au qasd. Ça écarte l'insan عن الحق. Et on avait cité hadith Umar radiyallahu anhu. من كانت هجرته لدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Cette shahwa, le fait de vouloir se marier avec cette femme, ça lui a changé sa niya. رَبَّمَا يَفَى الْهِجْرَ, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, que pour se marier, ou que pour profiter de dunya, ou que pour un projet. Hada, il n'a aucun ajr. C'est quoi qui a fait du mal à cette personne? C'est une mauvaise niya. Pourquoi la niya, elle a changé? Ou elle n'est pas correcte? À cause d'une shahwa. كَذَلِكَ الشُّبَهَ, ça fait du mal au ilm. فلهذا قال وتوارق الشبهات المخالفة لخبره. À cause d'une shubha, ربما يغجت un texte. À cause d'une shubha, عياذ بالله, ربما يحرف un نص وكي ينصف من صفة الله عز وجل. وأهل البدع انحرفوا à cause de ces deux points. إما des شهوات, إما des شبهات. قال فإن الشهوة والشبهة مضادة للدين من كل وجه. Ça contredit le din dans tous les points. الشهوات والشبهات. Ça va faire du mal au cœur, à la niya, et كذلك aux membres. Et le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكم من الناس, à cause d'une شبهة, ils s'écartent du din. تأمل الشبهات أهل الزيغ والأهواء. Qu'al khawarij. À cause des choubahs contre les gouverneurs, iyadan billah, ils se font du mal fit dunya, qabla l'akhir. Hada, ils se suicident. Hada, rubbama, ils tuent des innocents. Hada, rubbama, ils tuent des proches. Bal ba'dhum, ils ont assassiné leurs parents à cause de hadihi choubah. Quel khair tu vas espérer de wahid, il fait du mal à ses parents. Tout ça au nom du din. Pourquoi? Alors que din, il appelle pas à le din, il appelle pas aux attentats, aux tueries, abadan. Lakin, ash-shubuhat. Ils ont fréquenté des mauvaises personnes, ils n'ont pas étudié l'ilm al-shara'i, ça les a éloignés. Rubbama al-an, des choses qui font, iyadan billah, ils se font du mal fit dunya, imma ils se font tuer, imma ils se font emprisonner, et yawm al-qiyama, ils auront des comptes à rendre. Et on aura tous des comptes à rendre. Qala, fabis-sabr, yadfa' ash-shahawat. وباليقين يدفع الشبهات. Deux maladies. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi te cite deux remèdes pour combattre al-shahawat, les passions, les envies. Al-sabr, la patience. Rabbama, ton nefs, il te pousse à faire quelque chose de mal, du haram, pour bloquer ce nefs, as-sabr. Et ce qui va t'aider à patienter, c'est al-ihtisab, ihtisab al-ajr. Si tu ne fais pas ce haram, tu seras à la khayr. Si tu délaisses ce haram, lillahi subhanahu wa ta'ala, tu seras récompensé. Kadhalik, ce qui aide à patienter, c'est de se rappeler du châtiment. Celui qui fait du haram, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il le châtiera. Et azabullah, il est shadid. Avec tout ça, l'insan, il se rappelle هذه الأمور, et bi'idnillahi azza wa jal, ça va lui permettre de s'écarter de cette shahwa, de ce haram. Kadhalik, ce qui aide à patienter, anna l'insan idha sabara lillahi azza wa jal. S'il patiente lillahi azza wa jal, fa fi l'jannah, il aura mieux. Man taraka shay'an lillahi azza wa jal, awadahu allahu khayran minhum. Hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur. Fi d-dunya et fi l'akhira. Si tu délaisses hada shay lillahi azza wa jal, Allah il te le remplace par quelque chose de meilleur. Ça t'aide à patienter. Kadhalik, n'oublie pas yawm al-qiyama il-jannah. Fiha ma la aynun ra'at. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة. أما في الدنيا سيدي الشوز ديفيمير ساباس. قال وباليقين يدفع الشبهات. avec اليقين avec العلم avec الإيمان القوي il va repousser les شبه. لأن les شبه ça pénètre dans les cœurs de ceux qui ont des doutes. À la base il a un doute, à la base il n'est pas sûr, à la base il n'est pas à la علم. Cette choubha, cette ambiguïté, tatamakkan fi qalbi. Amma celui qui a la yaqin, et son cœur il est plein de iman, il n'y a pas de place pour les choubhat. Qala fa inna shahwata wa shubha mudaddatan lid-din min kulli wajh. Fala yanju min adhabillah illa man dafa'a shahawatihi bis-sabr wa shubuhatihi bil-yaqin. La yanju. Personne ne sera sauvé sauf si c'est carte des shahawat et des shubuhat. قال ولهذا أخبر الله سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وَخُطُّمْ كَالَّذِي خَاضُوا. تأمل هذه الآية. قال ابن القيم فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. قال عز وجل وغبت لبيرسك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. الله سبحانه وتعالى et ça arrive beaucoup في القرآن الكريم il nous cite l'exemple de ceux qui étaient avant nous. Ils avaient de la quwa, ils avaient beaucoup d'amouel, beaucoup d'enfants. Mais à hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé, فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ. Ils ont suivi الشهوات. لِأَنَّ الدُّنْيَا هَذِي c'est amata'a. C'est quelque chose d'éphémère qui passe. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ. Ça, c'est le premier point. لِمَاذَا هَؤُلَا هَلَكُوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala ahbata a'malahum. Pourquoi Allah il les a pas guidés et iyadan billah leurs œuvres elles ont été annulées. Limadha li'annahum ils ont suivi al-shahwat. Et bien sûr d'autres choses qui sont citées dans l'aya. Qala thumma qala wa khuttum kalladhi khadu wa hadha huwa al-khawd bil-batil fi dinillah wa huwa khawd ahli ash-shubuhat. Ha'oula, ils sont tombés dans les deux. Dans al-shahawat ou al-shubuhat. Amma al-shubuhat fa fi qawlihi wa khuttum kalladhi khadu. Al-khawd, c'est le fait de polémiquer. C'est le fait de parler dans un sujet qui n'est pas maîtrisé bila ilm. Hada, iyadan billah, c'est un moyen pour que al-shubuhat, elle pénètre dans le cœur. Al-khawd bil-batil. On doit s'écarter, nous, de hada. Man yatakallam, yatakallam bi-ilm. Et celui qui est conseillé, il accepte le conseil. Bila khawd, ونقاش باطل وجدال فارغ تصعلون يد حق. قال وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال الله سبحانه وتعالى أبخاب وخصيته هذا القوم الله سبحانه وتعالى نزامون أنهم يسنطون به في فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. قال عز وجل أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هؤلاء أكوز دي الشبه أكوز دي الشهوات يسن سختي من الإيمان من الإسلام سي ستي دي مؤمن أو يسن باكخو سي ستي دي كفرة أكوز دي كوا أكوز دي الشهوات والشبهات. فسيصح أهل الباطل الآن إما يسفف الشبهات إما شهوات إما ليدو عيادا بالله. قال وأولئك هم الخاسرون. Tu veux être sauvé, Akhi al-Karim. Et c'est notre objectif à tous. On nas'al Allah Azza wa Jal min fadlih. Et s'écarter de ce bil, ha'oula al-khasiri, on s'écarte de ittiba' al-shahawat et on s'écarte des shubah. Qala fa'allaqa subhanahu hubut al-a'mali wal-khusrani bittiba' al-shahawat alladhi huwa al-istimta' bil-khalaq. Al-istimta' bil-khalaq. Ay suivre ses passions et profiter du haram alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Qala azza wa jalla qul mata'u ad-dunya qalil. Tout ça c'est un petit qalil. Iyadan billah fi ad-dunya, c'est des choses qui passent, qui ne durent pas. Ben ça devient des regrets. Lianna nafs al-insan hakada, anna ce nafs rubbama hadhihi an-nafs elle veut des choses et une fois que tu as ces choses, ça passe. ثم صدق غير الإنسان يحذر من البداية هذه الدنيا c'est pas un endroit pour le mu'min ou qui va profiter faire ce qu'il veut. لا فلهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالسجن. الدنيا سجن المؤمن. لماذا alors que le mu'min والله الحمد il est pas enfermé dans une cellule, il est pas en prison حقيقة. لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a comparé avec السجن هذه الدنيا avec une prison. لماذا لأن الإنسان المؤمن يحبس نفسه أي se prive لله عز وجل. أما celui qui est en prison في الحقيقة il se prive. Si c'est pas un مؤمن c'est pas un صالح, il est forcé, il veut faire certaines choses لكن il est enfermé. أما المؤمن il est dans cette prison ad-dunya lakin il se prive lillah azza wa jalla. Ad-dunya sijnu al-mu'min jannatu al-kafir. Amma al-kafir c'est sa jannah. C'est pour ça que vous avez remarqué que les kuffar ils n'ont aucune limite, ils se privent de rien iyadan billah, c'est leur jannah. Al-mu'min il se prive lillah azza wa jalla, hadi ad-dunya c'est comme un sijn, c'est comme une prison pour lui. Lakin al-aqibatu lil-muttaqin. Qala فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلق وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. C'est ces deux causes qui ont conduit هؤلاء à leur perte. اتباع الشهوات واتباع الشبهات. فالمؤمن son iman, son ikhlas, son ilm, ils doivent l'écarter de الشبهات. Et كذلك son iman, son ikhlas, son khawf min Allah Azza wa Jal, ça doit l'écarter de shahawat. فاحذر أخي الكريم من أهل الشبهات وأهل الشهوات. لأن parmi les plus grandes causes qui font tomber l'insan dans ce mal, et le mal des shubuhat, ou des shahawat, ou des deux, c'est les fréquentations. احذر. لأن أهل الشهوات ils appellent les autres à suivre leur shahwa. Ahl al-shubuhat, ils appellent les autres à suivre leur shubah. Fahdhar, de ne pas être une proie pour haoula. Écarte-toi d'eux. Falihada salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ils mettaient en garde contre le fait de se mélanger à ahl al-shar. Que ce soit ahl al-fisq ou ahl al-bida'i wa al-dhalal. Préserve ton dîn, t'es dans une ni'ma. Vaut mieux être seul que accompagné de haoula al-ashrar. وَعْلَمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ veulent ton bien en aucun cas. Ahl al-shahwa, ils font tout pour que al-salih les suive. لِمَاذَا لِأَنَّ أَهْلُ الْفِسْقِ ils n'aiment pas que voir un salih qui ne fait pas leur dhunoub, là, vous avez remarqué que kathir minhum, ils essayent d'appeler les autres à leur shur. Wa hakadha ahl al-shubah. Fahdhar, préserve ton din. Et n'oublie pas que tu es mahsoud ala hadhihi al-ni'ma. Ni'matu al-istiqama wa ni'matu al-sunnah wa al-ilm. Kathir min al-nas, ils t'envient pour hadha, ils te combattent à cause de hadha, fa préserve-toi et ne te mélange pas à haoula al-ashrar. هذا الفصل سنفصل نافع في الصبر واليقين et le cours suivant inshallah ta'ala on lira son kalam et il va détailler هذا اكثر, il va détailler le verset اكثر et il va démontrer ان او il va démontrer plutôt des usul nafi'a pour le mu'min. فنكتفي بهذا القدر dans ce درس et le درس suivant إن شاء الله نحاول أن نكمل والحمد لله.